Radio Anguin. Île-de-France FM. Fréquence 98. Idée FM. Ça, c'est une bonne idée. Vous écoutez Idée FM. Il est 21h. Voilà, merci de votre fidélité sur IDFM Radio Anguin pour ces libres pensées en compagnie de Julien Tay. On va parler aujourd'hui un peu de ce qu'est un journaliste indépendant, un homme libre, un électron libre, un homme qui essaie de faire son job d'informer, chose tout à fait rare de nos jours, parce qu'on passe son temps à désinformer, on passe son temps à montrer qu'un seul côté ou une seule face d'une pièce. Alors moi je suis ravi de recevoir Julien Tay. J'espère que je prononce bien votre nom. Bonsoir. Bonsoir, oui, alors tout d'abord merci de me recevoir sur Radio Anguin, et mon nom est bien Julien Tay, voilà, et bonsoir à tous les auditeurs. Alors, je sais que c'est exceptionnel ce soir que vous soyez avec nous, du fait que vous êtes pris, et souvent mes invités sont des invités de qualité, je ne dis pas ça pour me mouxer, mais ils sont aussi connaissant leur professionnalisme, leur expertise, ils sont souvent sollicités aussi bien chez nous qu'ailleurs. Et vous avez bien voulu être mon invité ce soir et je vous en remercie doublement. Alors, ma première question, quelle est la définition d'un journaliste indépendant? Alors, je pense qu'en fait, un journaliste indépendant, ça n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des personnes comme moi qui, malheureusement, sont au chômage, ou en tout cas, se font connaître par l'intermédiaire d'Internet, qui est ce nouveau média accessible à tous, qui finalement est le média du pauvre, comme la platine vinyle était l'instrument de musique du pauvre dans les années 90 dans les ghettos noirs. Je pense que Internet est le média du pauvre, et donc le pauvre n'ayant pas d'intérêt, si on suit une analyse purement économique et sociale, le pauvre n'ayant pas d'intérêt économique à dominer l'information, va par nature chercher à nécessairement apporter des informations plus justes et, on va dire, plus objectives. Après, ce qui définit un journaliste, à mon avis, c'est une personne qui publie, donc ce qui est mon cas, et c'est une personne qui fait un travail d'investigation. Or, aujourd'hui, la presse française est principalement dominée par ce qu'on appelle les journaux gratuits, puisqu'on voit bien les chutes des ventes des journaux payants tels que Le Monde et Libération. Et ces journaux gratuits n'emploient plus de journalistes à proprement parler, puisque l'immense majorité de leurs articles sont des dépêches d'agence AFP ou Reuters, qui sont achetées puis directement copiées-collées, ou alors on va en remanier quelques mots, mais le propos reste le même. Donc on a de plus en plus face à nous un système médiatique qui est en grande partie coopté par les intérêts privés, mais également par les intérêts militaires. On parle souvent du complexe militaro-industriel américain, mais le complexe militaro-industriel français, via des entreprises comme Dassault, ont une énorme entreprise sur les médias. Donc aujourd'hui, un journaliste indépendant, ça n'existe pas, parce que le fait d'être indépendant supposerait que malgré tout, il puisse vendre certains de ses articles à de la presse. Or, la situation de la plupart des gens comme moi, ce sont des gens qui arrivent à survivre en écrivant de temps en temps, effectivement, dans des journaux qui sont en marge, complètement en marge du commerce des médias, ou alors sur Internet, aussi en grande partie, parce que c'est un média complètement libre. Voilà. Alors, si je récapitule un petit peu... Il n'y a pas de journaliste indépendant, mais il y a une presse indépendante. Si on prend l'exemple de Mediapart, et je le dis, oui, je crois que l'ensemble de nos concitoyens qui nous écoutent sur IDFM Radio Anguin, fréquence 98.0, pas virgule 1 ou virgule 2, et sur le net www.idfm98.fr, pourront vous dire que nous avons reçu, il y a trois ou quatre semaines, on a reçu Edwy Plenel. Et souvent on est convié à ces débats, que ce soit au théâtre à Chaillot, au théâtre La Colline, et on voit qu'une presse indépendante, heureusement, est une denrée rare, et heureusement elle existe, parce qu'un journaliste indépendant, s'il a du mal à vivre, néanmoins il est indépendant. Moi j'écris des articles sur des magazines en arabe, et le dernier était en français. Je l'ai fait aussi d'une manière tout à fait libre et sans aucune rémunération. Donc c'est aussi une façon d'être libre. Et vous avez bien fait de rappeler qu'il est difficile d'avoir des médias indépendants quand on est à la fois capitaine d'industrie et patron de presse. On peut pas critiquer l'Arabie Saoudite sur les droits de l'homme lorsqu'on essaie de lui refiler des missiles ou lui refiler des avions. Écoutez, il y a la question qui se pose là, celle qui se pose à mon avis dans notre dialogue, dans cet échange, c'est indépendant par rapport à quoi? Donc avant on a parlé de l'indépendance financière, mais il y a aussi l'indépendance idéologique. Moi, ce que je constate, puisque vous avez cité notamment Mediapart et Monsieur Plenel, je suis conscient que ces médias ont une certaine indépendance économique, bien que je n'ai pas vérifié. Mais en ce qui concerne l'indépendance idéologique, je suis loin de voir dans ces soi-disant médias indépendants une liberté. Quand on voit la manière dont les droits de l'homme, la question des droits de l'homme, sont encensés, qu'au nom des droits de l'homme, des minorités opprimées, des soi-disant dictateurs qui oppriment leur peuple, il faudrait aller bombarder la Libye, la Syrie, peu importe, bientôt l'Iran, si on suit le carcan idéologique de ces personnes, je ne vois certainement pas dans un des médias indépendants français de renommée, que ce soit prétendument Rue 89, Bakchiche, tous ces journaux, je n'ai pas vu d'opposition à cette guerre, à la guerre de Libye. Alors que pourtant, ces personnes-là, en tout cas les personnes qui se revendiquent de gauche, ce n'est pas mon cas, moi je me revendique même pas de gauche, mais pour les personnes qui se revendiquent de gauche, qui sont soi-disant indépendants, pourquoi ne s'opposent-ils pas aux guerres coloniales et aux guerres impériales ? Premier point. Deuxième point, pour revenir à cette histoire des médias indépendants, j'ai réalisé en Libye, enfin avant d'aller en Libye, un document extrêmement important, puisqu'il montrait que les allégations qui avaient été proférées au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies par une grande ONG française qui s'appelle la Fédération internationale des droits de l'homme étaient en fait de fausses allégations, enfin des allégations qu'on ne pouvait pas prouver, et aujourd'hui on sait que c'est faux, et ces allégations ont conduit à l'expulsion de la Libye du Conseil des droits de l'homme et donc à son référent, ensuite à ce que ce cas soit référé au Conseil de sécurité par l'intermédiaire de l'Assemblée générale. Donc moi je disposais d'une preuve, ayant interviewé cette personne qui a raconté que Kadhafi avait tué 6000 personnes, etc. Cette personne m'a dit de ne pas disposer de preuves de ce qu'elle avançait, et en plus de ça elle m'a raconté que de nombreux membres du Conseil national de transition faisaient partie de la même ONG que lui. Donc j'avais entre mes mains une preuve qui, au-delà de montrer l'incompétence des institutions internationales, prouvait qu'on a menti délibérément pour intervenir militairement à un endroit précis. Ces preuves-là, je les ai envoyées à toutes les publications de France sans exception, que ce soit Rue 89, que ce soit même Le Figaro, que ce soit Le Monde. Les seuls qui m'ont répondu, et les seuls à mon avis que j'ai vu avoir une position assez intelligente sur la question de la guerre en Libye, c'était le journal L'Humanité, puisqu'ils m'ont répondu. Mais je n'ai pas vu M. Plenel, ni même Bakchiche, ni même ces soi-disant médias indépendants de gauche venir vers moi, alors que je leur avais mis à disposition tout ce qu'il fallait. Donc je suis désolé, mais pour moi, Mediapart n'est pas un média indépendant, parce que je ne vois pas prendre des positions radicalement contre la guerre, et je ne les vois pas analyser non plus. Si vous voulez, si on n'a pas cette analyse sur les droits de l'homme, on ne peut pas analyser aujourd'hui les rapports de force internationaux. Si on en est encore réduit à croire que la France, l'Occident, les États-Unis, nous allons bombarder des pays pour les libérer d'affreux dictateurs, si on en est encore à ce niveau-là, pour moi, on ne fait pas du journalisme indépendant, même si on est indépendant économiquement, on reste dépendant de l'idéologie majeure, qui d'ailleurs en France est très bien implantée. Voilà ce que j'en pense. Alors, on pourrait prendre un autre exemple, parce que Michel Collant, que vous connaissez sûrement, ce journaliste belge, comme Mediapart, c'est des journaux qui ne font pas de pub, hein, qui n'ont pas de pub sur leur site, mais qui vivent de l'abonnement. Je pense que Michel Collomb, il vit surtout des ventes de ses livres. Hein. Je ne sais pas exactement comment on vit Investigation, oui, son organisation. Tout à fait. Ça vit en grande partie sur les dons, j'ai l'impression. Et la différence entre Michel Collomb et Mediapart, alors, Mediapart, je ne connais pas très bien, donc je ne veux pas non plus leur casser du sucre sur le dos, mais en tout cas, Michel Collomb est une personne qui allait au contact à plusieurs reprises des interventions de l'OTAN, que ce soit, je crois, au Kosovo, mais également en Libye. C'est une personne qui, depuis très longtemps, produit une analyse géopolitique et même intellectuelle très intéressante. On n'est pas au niveau de Mediapart. Moi, je trouve que c'est complètement différent. Et je ne trouve pas de point de comparaison, si ce n'est le fait qu'effectivement, il n'y ait pas de publicité sur les deux sites. Mais pour moi, ce n'est pas un témoin d'indépendance, si vous voulez. Alors, à la limite, est-ce qu'il faudrait pas couper la poire en deux, parce que à la fois c'est difficile, c'est le prix de l'indépendance et la liberté à un prix. Vous êtes d'accord avec moi? Mais que on peut pas être, il y a toujours un juste milieu à le trouver. Je ne crois pas, non. Je pense que si on veut faire une démarche de vérité, qu'on veut faire de l'investigation, quand on fait de l'investigation, on est amené à comprendre des faits et en avoir la preuve. À partir du moment où on a la preuve de faits, la question ne se pose plus de savoir si on est libre ou non de communiquer ses faits. On se doit de le faire, ni pour des raisons idéologiques, ni pour des raisons déontologiques, puisqu'il y en a qui diraient par déontologie pour le journalisme, etc. C'est simplement pour des raisons morales. Et ceci m'appartient, c'est mon point de vue, mais je n'ai pas envie de couper la poire en deux, non. Je n'ai pas envie. Et c'est tout à votre honneur. Vous êtes entier et vous considérez que ce qui est important, c'est... Où c'est la vérité, où c'est un mensonge. Dire les choses à 98% ou à 99%, c'est pas 100%. La vérité est à 100%. Et s'il y a 1% de mensonge, toute vérité devient un mensonge. Mais pour bien entendu, mais attention, je n'ai pas dit que je ou un autre disait 100% la vérité. Je dis que lorsqu'on trouve des faits et lorsqu'on fait de l'investigation, ces faits doivent être communiqués et qu'on ne doit pas chercher une mesure entre ce qu'on nous permettrait de dire d'un côté et le risque qu'on prend en le disant. Évidemment, il faut l'évaluer parce qu'il faut avoir conscience du danger, parce qu'une personne qui n'est pas consciente du danger est une personne qui n'a plus d'autodéfense, donc c'est très important. Mais je ne suis pas d'accord pour dire que nous devons couper la poire en deux en se disant disons ce qu'on peut à la mesure de ce qui est possible. Non, on doit dire ce qu'on sait et au risque que ça incombe. Alors, en parlant de risques, vous en avez pris des risques, vous, puisque à un moment, je ne sais pas si vous allez le confirmer, vous avez été... alors, je vais vous laisser la liberté. Vous avez été en Libye bloqué, ou on peut dire plus que ça. Oui, bloqué, mais je pense que de toute manière, c'était la situation d'énormément de gens en Libye. On parle souvent de la situation des journalistes, mais on parle très peu de la situation des civils. Donc, je vais d'abord répondre sur la situation dans laquelle j'étais moi-même. Moi, j'étais dans un hôtel, l'hôtel Rixos, qui a été attaqué par les forces de l'OTAN. Et nécessairement, les Libyens qui étaient dedans et qui étaient là, à la base, c'était des gens qui travaillaient au Media Foreign Authority, donc des personnes qui travaillaient dans la presse, et ces personnes-là ont défendu l'hôtel, puisqu'il n'y avait aucune raison de se mettre en danger et de nous mettre en danger. Donc ils ont défendu l'hôtel contre l'OTAN, ce qui a fait que pendant 4 ou 5 jours, nous n'avons pas pu sortir de cet hôtel, et effectivement, il y avait des bombardements et des combats nuit et jour, il y a eu quelques pauses, et c'était extrêmement intense. Mais ce n'est rien comparativement à ce que les civils ont vécu et à ce qu'ils vivent encore aujourd'hui, puisqu'on a... Il y a une situation extrêmement grave en Libye actuellement. Il faut quand même savoir que pendant cette intervention militaire sur Tripoli, il y avait quand même des hélicoptères Apache qui ont mitraillé des personnes dans les rues. Donc c'est extrêmement impressionnant. Ce sont des hélicoptères de combat. Toute la ville était complètement paralysée. Les ambassadeurs eux-mêmes ne se déplaçaient plus. Donc la situation dans laquelle j'ai moi-même été en Libye est une situation... finalement que j'ai partagé avec le peuple libyen, du fait que j'étais moi-même victime de cette attaque. Et j'ai pu voir ce qu'était la violence militaire. J'ai pu voir ce qu'était l'OTAN en réalité. Et le témoignage que j'en ai laissé est disponible dans la plupart de mes écrits. Et il est évident que la situation des journalistes dans le monde, c'est une grande blague. La plupart des journalistes sont encadrés par des équipes de sécurité, voire des mercenaires. Certains d'entre eux sont tout simplement des gestions rattachées à des services de renseignement divers et variés. Donc faire croire aux citoyens français que le journaliste du Figaro ou de France 2 ou de je ne sais quelle chaîne est un héros qui au risque de sa vie va faire de l'information. Mais en même temps, pardonnez-moi de vous reprendre, nous avons eu deux journalistes qui ont perdu, un photographe et une journaliste qui sont morts ces jours-ci. Hier ou avant-hier, voilà. C'est ça, voilà. Oui, j'ai vu ça, alors je ne sais pas, je n'ai pas encore regardé les circonstances exactes de la mort de ces personnes. Mais il y a mort d'homme, et il y a dans le monde des journalistes qui sont pas tous protégés parce que tous n'appartiennent pas aux grandes puissances. Prenez un journal, rappelez-vous ce qui s'est passé avec les journalistes d'El Jazeera qui ont été a été bombardés en Irak. Oui. Alors voilà. Effectivement, lorsque certains journalistes Donc là, vous prenez l'exemple d'Al Jazeera. Maintenant, on pourrait prendre l'exemple de Russia Today, puisqu'Al Jazeera s'est rangé du côté de l'OTAN. Mais effectivement, il y a des cas où la puissance qui est minoritaire, ou qui est en tout cas en sa défaveur, donc là, ça s'est passé en Irak, si je me rappelle bien, tout ça, c'est l'hôtel Falaise. Tout à fait. Et, voilà. Donc, Al Jazeera, à ce moment-là, n'était pas en position de puissance. Ils étaient en train de faire du reportage sur des choses allant dans le sens contraire de ce que l'OTAN racontait. Donc il est évident que pour l'OTAN, qui est la puissance qui a bombardé cet immeuble, il n'y avait aucun problème pour mettre fin à la vie de ces journalistes. Moi, je vous parlais des journalistes français, des journalistes occidentaux. Moi, je parle, si vous voulez, la presse internationale. Comme au début, vous m'avez dit, moi, j'ai réussi à écrire dans une publication arabe. Ça me paraît normal. C'est comme, par exemple, Russia Today a fait un sujet sur mon travail. C'est quand même une des plus grandes chaînes internationales. Et pourtant, il n'y a aucun média français qui a parlé de mon travail. On retrouve dans la nationalité des médias le même rapport de force géopolitique que celui qui s'exerce dans la confrontation des États. Oui, oui, je vous écoute. Bah, je vous dis juste que justement, on peut pas mettre sur le même tableau des journalistes. Enfin, on peut pas faire la promotion de cette idée selon laquelle les journalistes français ou occidentaux seraient des journalistes indépendants qui risquent leur vie. Ils risquent leur vie, certes, mais pas pour l'information. Ils risquent leur vie parce qu'ils reçoivent des ordres ou qu'ils doivent faire de la propagande. Non. C'est ma position, on peut pas être d'accord avec moi. Absolument, ça ne peut être, c'est votre position, mais il y a des journalistes qui sont morts parce qu'ils ont voulu faire leur job. Tous les journalistes, je dirais, de la presse française, européenne ou étrangère, ne sont pas tous aux ordres. C'est vrai qu'il y a un ministre qui a dit à un moment, le seul type de journaliste qui me botte, ce sont ceux qui sont à ma botte. Mais nous avons des exemples de journalistes qui ont été pratiquement mis à, qui ont été écartés, mis au placard, qui ont été on a des exemples de journalistes de la télévision publique italienne qui ont été saqués par Berlusconi. Berlusconi. Donc il y a une journaliste américaine aussi qui est il y a énormément de journalistes aussi bien femmes hommes, et nous avons un grand journaliste aussi de TF1 qui est mort pendant la guerre d'Irak, hein, Jean-Louis Bourga, si ma mémoire est bonne, c'est à moins que je me trompe sur le nom. On a des hommes, des femmes et des hommes qui sont morts. On pourrait même dire qu'il y a plus de 600 journalistes qui ont été tués dans le monde en 2011. C'est 600 journalistes de plus, 600, c'est énorme. Voilà. Alors déjà, d'où viennent ces chiffres? C'est Reporters sans frontières, j'imagine, ou... Non, il y a des gens qui sont... Vous ne savez pas, par exemple, regardez... Non, je ne sais pas tout, non. Non, mais regardez, en Algérie, pendant la décennie noire, il y a eu des journalistes qui ont été tués par les intégristes. Vous allez en Irak, il y a des journalistes qui meurent. Vous allez au Liban, vous allez en Syrie. Voilà. Mais moi, vous me posez une question sur mon expérience. Moi, j'ai 28 ans. Ah ben oui, c'est super. Donc, mon expérience de journaliste, enfin, en tout cas de ce qu'on appelle être journaliste, n'est pas plus ancienne que 3 ans et demi, 4 ans. Et moi, mon expérience dans le monde moderne dans lequel je vis, je vous dis, en France, il n'y a pas de journaliste indépendant. Ça n'existe pas. Ce sont des chômeurs. Ou alors, ce sont des gens comme Michel Collomb, effectivement, qui arrivent à un moment donné, parce qu'ils font un bon travail de long terme, à survivre. Et à mon avis, il n'a pas non plus un train de vie très élevé. Et... On ne peut pas dire que Michel Collomb est un journaliste. Est-ce que vous voyez écrire dans des publications? Est-ce que vous avez vu un article non. de Michel Collomb? Non. Bon, voilà, donc il n'est pas journaliste. Même des gens comme Jean Bricmont, qui prennent des risques également par rapport aux positions qu'ils prennent, ont eu de temps en temps un petit article dans le monde diplomatique, mais ça s'est arrêté là. Donc même le monde diplomatique ferme les portes aux gens qu'ils devraient mettre en avant. Alors à un moment donné, moi je ne crois plus à cette histoire de journaliste indépendant. Je n'y ai jamais cru de toute manière, mais j'ai la preuve de mon expérience à moi qui n'a pas de grande valeur puisqu'elle n'est que sur ma génération, ces 4 dernières années. Mais ma position est la suivante, c'est effectivement il y a des endroits dans le monde, notamment en Amérique latine, dans les pays arabes, en Russie également et certainement en Chine, je ne connais pas la presse chinoise, où on peut... on va dire, exposer un point de vue complètement différent à celui que l'on trouve chez nous, mais ce n'est pas pour autant qu'on peut vivre aujourd'hui en tant que journaliste indépendant, en publiant dans des médias français, etc. Je ne crois pas à ça. C'est mon avis, après. En tout cas, dans le travail d'investigation, je ne crois pas à ça. On respecte tout à fait votre point de vue et votre analyse. C'est normal que... D'abord, on vous invite, c'est pas pour, c'est parce qu'on a envie de vous écouter et avoir votre version et votre définition des choses. Alors, si vous considérez, alors, est-ce que dans la, on a parlé de la presse française, alors et dans la presse anglo-saxonne, est-ce que vous considérez que la presse anglo-saxonne est plus courageuse que la presse française, par exemple? En fait, je pense que on pourrait se dire que oui. Alors, en fait, il y a plus de liberté d'expression dans les pays anglo-saxons, parce que par nature, étant des pays libéraux, il y a cette idée qu'à un moment donné, on peut dire ce qu'on pense. Ça peut avoir des effets négatifs, comme par exemple, on voit le Ku Klux Klan aux États-Unis, on pourrait dire oui, non, la liberté qui au nom de la liberté d'expression peut s'exprimer, exister, etc. Et par ailleurs, donc, du coup, vu que ceci existe, ça légitime qu'on puisse plus ou moins exprimer n'importe quelle pensée. Dans les médias anglo-saxons plus que dans des médias français, mais encore une fois, même dans les médias anglo-saxons, à un moment donné, il y a des forces plus puissantes que les autres, il y a des lobbies, on parle du lobby sioniste, ça existe aux États-Unis, ça existe également en France, même si on ne le reconnaît pas, et il y a des verrous également dans les médias anglo-saxons. Alors moi, je ne connais pas la presse anglo-saxonne, je vois ce que c'est le Sunday Telegraph, le Daily Telegraph, le Sunday Times, je vois ce qu'est le Washington Post, etc. Je vois bien que ça reste quand même la même ligne, en gros, c'est-à-dire la ligne de l'OTAN, hein, pour faire clair. Mais moi, ce qui m'intéresse, comme je vous le dis, ce sont les médias sur Internet, puisque c'est là qu'on trouve la vraie liberté d'expression. Et des médias de qualité sur Internet, qui sont d'une qualité mais bien meilleure que ces médias payants en papier, il y en a des tas. Il y a Global Research, par exemple, qui est au Canada, à Ottawa. Même il y a des choses comme Counterpunch que nous n'avons pas en France et qui sont très suivies aux États-Unis. Donc il y a une véritable audience envers ces nouveaux médias, mais ces médias ne paient pas, si vous voulez. Enfin, on ne peut pas vivre de ça. Ou alors c'est extrêmement dur, ce qui est bon, car on vit avec très peu d'argent, quoi. Alors, vous venez de reparler encore argent. Alors comment un homme indépendant, comment peut-il vivre, que faut-il faire pour qu'il soit publié? Est-ce que parce que vous avez des difficultés, vous dites vous êtes chômeur, parce que vous allez à contre-courant, c'est le risque que vous prenez, c'est le prix de votre indépendance et de votre liberté, qu'aujourd'hui vous présentez des choses, un travail professionnel qui n'est pas rémunéré parce que vous allez à contre-courant. Donc c'est quoi notre question? Comment je fais pour vivre? Oui, comment faites-vous pour vivre? Quelle est la... Je ne vais pas perdre mon latin, mais un journaliste indépendant, de par ce fait, il est libre, un électron libre. Est-ce qu'il a des chances de continuer sur cette route et qu'il persiste? Ou bien il va contre un mur, parce que vous devez avoir vous avez un autre métier, ou je ne sais pas. Parlez-nous peu de cette passion que vous avez, hein, d'informer nos concitoyens et d'informer les gens, parce que vous allez à la source de l'événement. Et quelles sont les difficultés aujourd'hui pour un homme tel que vous d'arriver à se faire lire ou à se faire écouter? Alors moi déjà c'est pas une passion, la légende du journaliste, etc., c'est des choses qui m'intéressent pas vraiment. En fait, je fais ce que je fais à l'origine parce que, ayant travaillé pour des ONG dans le domaine de la collecte de fonds et m'étant intéressé à ce qu'étaient les ONG et ayant compris que c'était une grande blague, je me suis mis à écrire là-dessus. Donc c'est pas une passion, c'est simplement une démarche de vérité. On comprend une chose, on voit que personne ne l'a constaté, ou qu'en tout cas personne ne l'a rapporté comme soi. Donc on a cette envie de la communiquer pour dire ce qu'on a découvert. Et après, en ce qui concerne comment je vis, bon, moi j'ai de la chance, j'ai un petit travail dans l'édition à côté, et je peux vous dire que j'ai réussi pendant longtemps à vendre des piges, mais ça m'est pas arrivé souvent. Donc j'ai cette chance d'avoir un autre boulot à côté et en plus un boulot dans l'édition qui me permet d'être libre et de rester dans mon domaine quand même en grande partie. Donc ça c'est, je dirais, un petit luxe d'avoir un job à côté et de continuer à faire. Est-ce que le fait que vous écrivez et que vous allez à contresens, est-ce que dans le monde de l'édition, est-ce que quelque part ça n'a pas une incidence sur la vie professionnelle? Un exemple, hein, je me pose la question. Parce que tout finit. Mais par contre, c'est une incidence positive. Parce que contrairement aux médias, donc c'est-à-dire à la presse française, à la télé française, les gens qui lisent encore des livres aujourd'hui en France sont des gens quand même assez intelligents. En tout cas, ce sont des gens qui ont cette volonté de comprendre. Ils ont compris que par Internet, ils pouvaient avoir une information plus véridique, mais également par la lecture d'ouvrages qui sont pas forcément très référencés, qui sont pas forcément très publiés, mais qui existent, donc qui sont disponibles. Ils peuvent creuser des sujets qui les ont intéressés sur Internet, ou en tout cas qui les ont éclairés sur ce que peut être la géopolitique ou je sais pas, la sociologie, etc. Donc la différence, c'est que le monde de l'édition en France, et même encore je pense aux États-Unis, est un monde qui vend de moins en moins d'après ce que j'en sais, mais du coup les gens étant moins nombreux à lire sont des gens plus concernés, j'ai l'impression. Donc contrairement au monde de la presse pure et dure, le milieu de l'édition, de la publication est un milieu où on peut quand même encore aujourd'hui en France publier ce qu'on veut. Regardez par exemple le livre de Paul-Éric Blanru, Sarkozy, Israël et les Juifs, est un livre publié en France qui a été vendu à près de 15 000 exemplaires aujourd'hui, alors que Paul-Éric Blanru n'écrit dans aucun journal français, ne le publie, et pourtant il vend plus de livres que BHL d'après ce que j'ai compris. Donc ça prouve à un moment donné une réalité. BHL a des colonnes tous les jours dans Washington Post, dans ceci, dans cela, mais il ne vend pas de livres. Alors que les gens qui sur Internet ont une audience qui est dure à mesurer mais qui est réelle, eux vendent des livres. Donc à mon avis, c'est une instruction par rapport, ce fait est une instruction par rapport au mode de fonctionnement des gens aujourd'hui, et les gens qui lisent, le monde de l'édition n'est pas encore contaminé par l'idéologie. Reste un lieu où s'exprime la diversité des opinions, des études et des recherches. Si je comprends bien, je suis un bon élève, je dois me dire que les gens, on a tendance à penser qu'ils sont encore des enfants, sont assez pardon, sont assez matures pour faire la part des choses, et que on a peu de chance, par les temps qui courent, de continuer à penser que les gens sont manipulés. Pardon ? Je dis aujourd'hui, si je vous écoute bien, l'édition est plus ou moins libre. Il y a encore. Alors, si vous pouvez dire à ceux qui sont derrière de pouvoir un peu. Parce qu'on entend beaucoup ce cri derrière, si vous permettez. Je ne peux rien faire, monsieur. Je ne suis pas chez moi, ouais. Malheureusement. Ouais, bon. Alors, je voulais dire simplement que. Être sur Internet et publier sur Internet peut donner une audience assez importante. Écrire, c'est aussi avoir une crédibilité, parce que les maisons d'édition ont encore cette marge de liberté, et que quelqu'un qui écrit sur le Nouvel Obs, sur Le Point, sur les grands médias, n'a pas forcément une audience, et que les gens peut-être commencent par se lasser d'entendre toujours le même discours. Mais en fait, les gens sont nettement plus intelligents que ce que... On veut leur faire dire, ou nous faire comprendre que les gens gobent tout. C'est plus ça. Moi, je pense que c'est faux aussi, et que ça, c'est une légende. Je pense qu'effectivement, les gens ont une vie contraignante tous les jours, c'est-à-dire sont obligés de travailler pour pas grand-chose, de se lever tôt le matin, pour un travail qui généralement ne leur plaît pas en plus, qui trouvent effectivement le 20 minutes dans le métro ou dans le bus, que le soir peut-être qu'ils regardent TF1, etc., mais ils savent très bien que tout ceci n'est que manipulation. Donc ils y croient, mais jusqu'à quand? Parce que tout ça, c'est subliminal, ce n'est pas... si vous voulez, j'ai du mal, moi je ne crois pas que le peuple soit nécessairement imbécile, bête, etc. Je pense que continuer à le manipuler en utilisant des choses de plus en plus grotesques, c'est s'exposer à des risques extrêmement graves, et que c'est ce à quoi nous assistons en ce moment, puisqu'il y a une radicalisation des médias, on le voit bien. Comme je vous le disais, est-ce que vous avez vu un seul article ou une seule chaîne de télé en France faire quelque chose contre la guerre en Libye? C'est vrai, aucune. Aucune. Bon, bah voilà. Ben, alors. Alors, est-ce que vous pensez que tous les Français sont pour la guerre en Libye? Je veux dire le citoyen lambda. Non, non, non. Écoutez, nous, on a fait plusieurs émissions sur les ondes en parlant de cette guerre en Libye. Moi, j'en profite pour rappeler que Jean-Claude Mignon, qui est le président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, a salué la mort de Rémi Oshik, qui est un photoreporter français, et de Marie Colvin, journaliste américaine. Voilà. Donc ça, du Sunday Times. Alors moi, je voudrais dire quelque chose, puisque vous avez parlé de la Libye. Les Français, aujourd'hui, se rendent compte qu'ils sont un peu manipulés, dans le sens où on a un seul regard d'une guerre. On n'a pas les deux. Et qu'on finit par se rendre compte que... la vision qu'on nous l'a donnée, cette vision officielle, n'est pas la plus authentique. Bah écoutez, je viens de vous le dire, mais je pense pas qu'ils commencent seulement à s'en rendre compte et qu'ils pensent que c'est un petit peu faux. Et je pense que ça fait très longtemps qu'ils s'en rendent compte, qu'ils savent que c'est complètement faux, en tout cas dans sa grande majorité, qu'on va pas bombarder un pays pour les droits de l'homme, par exemple, pour prendre le cas de la Libye. Mais entre comprendre, accepter, y réagir, il y a quand même des pas. Et quand on a une vie contraignante, c'est-à-dire que lorsque, économiquement et socialement parlant, on est contraint de suivre un mode de vie, qu'on n'a pas le temps ni la liberté, ou plutôt qu'on ne prend pas le temps ni la liberté, puisque ce sont des choses qui se prennent avant tout, pour lesquelles même il faut se battre parfois. Eh bien, si ceci n'est pas possible, si les circonstances, si le contexte ne permet pas ceci, alors effectivement, on peut laisser planer l'illusion selon laquelle les gens seraient tous convaincus de TF1 et seraient tous convaincus de la ligne de l'OTAN, par exemple. Alors moi, je vous le dis, je pense pas que c'est récent. Je pense que au moins depuis Mitterrand, les gens ont compris qu'il y a un problème. Et je pense que plus on attend, d'ailleurs plus on attend, on voit bien, plus c'est la fuite en avant, plus c'est de plus en plus gros, plus les pays dont nous ne sommes pas partenaires sont gouvernés par des horribles dictateurs, tel pays veut faire une bombe atomique, enfin c'est de plus en plus gros. Donc on l'a bien vu avec la guerre en Irak, avec les armes de destruction massive de Saddam Hussein. On l'a vu là avec la guerre en Libye sur les bombardements de Tripoli qui n'ont jamais eu lieu. Les bombardements de Kadhafi sur Tripoli, bien sûr, j'entends. Donc c'est de plus en plus gros, et quand c'est de plus en plus gros, ça veut dire que c'est la fin. Donc moi, je crois pas que c'est récent. Si c'est la fin, je crois pas que c'est récent. Je pense que c'est quelque chose peut-être qui est subliminal, c'est-à-dire quelque chose qui est inintelligible. On ne se rend pas forcément compte de la réaction des gens au quotidien parce qu'ils sont contraints de suivre une ligne, mais le jour où il n'y aura plus rien à manger dans le frigo, je ne sais pas combien de temps tout ceci va pouvoir perdurer. Alors, est-ce qu'on peut vous poser la question, par exemple, sur le sort qui est réservé actuellement à l'Irak, à la Grèce? Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot sur sur ces aides en petits fragments qu'on est en train de cette humiliation qu'on fait à la Grèce en ayant l'impression que elle est la seule à avoir fauté, que la plupart des pays ont tous plus ou moins maquillé et manipulé leur compte concernant le déficit public, à commencer par l'Italie? Alors écoutez, je ne suis pas spécialiste en économie. Par contre, il y a une chose dont je suis certain, c'est que l'Union européenne, telle qu'elle a été conçue, donc cette Union européenne dans laquelle nous vivons, a été faite en fait, est la continuité du plan Marshall, hein, puisqu'on voit bien que les personnes en France qui ont administré les fonds du plan Marshall sont ensuite ces mêmes personnes qui ont favorisé la construction européenne. Ensuite, tout ce qu'a fait Michel Rocard, donc, c'est-à-dire tout ce qui a été fait dans les années 90 pour intégrer l'Europe avec économiquement, culturellement, etc., c'était encore aller plus loin dans ce plan. Et ce plan implique, à un moment donné, économiquement parlant, que tout le monde doit coopérer avec une même monnaie, alors que chaque pays a des spécificités différentes. On voit bien que l'Espagne n'a pas la même économie que la France. La France n'a pas la même économie que l'Allemagne. L'Allemagne a une économie très forte. La France a une économie forte également, mais il y a l'agriculture, c'est un peu industriel, il y a la recherche. Donc chaque pays a une économie différente. Premier point. Deuxième point, il y a quand même un mécanisme de dette privée. Donc à partir du moment où les principes sur lesquels se fonde la souveraineté des nations, qui est la souveraineté monétaire, le fait de pouvoir battre sa propre monnaie, à partir du moment où ce principe-là n'est plus possible, alors c'est évident qu'on arrive à la situation à laquelle nous sommes aujourd'hui. Forcément, au bout d'un moment, les États s'endettent, jusqu'au moment où la dette n'est plus payable. Ce qui est déjà le cas depuis longtemps, à mon avis, et c'est là qu'on voit le jeu d'orchestration des agences de notation, qui ne sont, à mon avis, que des sortes de... C'est un peu le bulletin officiel. C'est, on a décidé ce matin que c'était la Grèce qui allait tomber parce qu'on lui enlève un plus. C'est complètement désincarné. Ça ne repose, à mon avis, sur rien. Et d'ailleurs, l'économie ne doit pas reposer sur grand-chose, l'économie moderne. Donc, moi, ce que je vois, c'est qu'on demande à ces pays, finalement, de liquider complètement, mais complètement, tout ce qui est en rapport avec leur souveraineté, que ce soit les biens sociaux, les biens économiques, voire même les territoires. On avait entendu à un moment des histoires folles du genre l'Allemagne qui demandait à la Grèce de vendre une partie de ses terres, ou je sais plus, de lui céder une partie de son territoire pour rembourser la dette. Donc on est dans un truc qui n'a plus aucun sens, et je pense que ça aussi les gens l'ont très bien compris. Et je ne crois pas du tout à ce plan de reprêter de l'argent avec un taux d'intérêt un peu plus bas ou plus haut. D'ailleurs, je ne sais même pas en quoi consiste la stratégie exactement, mais je pense que c'est une blague. Je pense que même un enfant de 15 ans peut le comprendre. C'est pour ça que c'est un peu comme la même question sur le journalisme avant. C'est parce que on est convaincu que les gens sont débiles, parce que c'est ce qu'on nous dit tous les jours à la télévision, qu'on le pense. Moi, je pense pas ça. Je pense que les Français sont intelligents, qu'ils savent très bien qu'ils sont manipulés. Pareil pour les Grecs. Et ils le savent très bien sur le plan économique, comme sur le plan de l'OTAN, comme sur le plan du journalisme, etc. En réalité, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on prête de l'argent à la Grèce pour rembourser ses dettes, mais pas pour se restructurer ou pour un petit peu se relever. Alors, moi j'ai envie de vous faire, Julien Taille, j'ai envie de vous faire une surprise. Je vais vous demander simplement de rester à l'écoute et vous offrir cette musique. Restez juste un petit peu avec nous. Voilà. D'accord. Parce que je suis sûr que ça va vous faire plaisir d'écouter ça. Ça, ça l'est un peu plus, mais bon, il y en a tellement. D'ailleurs, le plus opportuniste, ça doit être moi, puisque j'ai fait cette chanson. Je suis pour le communisme. Je suis pour le socialisme et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendique et qui proteste. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les patries, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Et qui proteste. Moi je ne fais qu'un seul geste, celui de retourner ma veste, celui de retourner ma veste, à toujours du bon côté. Je crie vive la révolution, je crie vive les institutions, je crie vive les manifestations, vive la collaboration. Non, jamais je ne conteste, ni revendique, ni le proteste. Je ne sais faire qu'un seul geste, celui de retourner ma veste, celui de retourner ma veste, toujours du bon côté. IDFM, Radio Anguin, Île-de-France FM, fréquence 98. IDFM, ça, c'est une bonne idée. Retour sur IDFM Radio Anguin, il nous reste à peine 13 minutes en compagnie de Julien Tech qui va nous parler, après avoir évoqué qu'il n'existe pas de journaliste indépendant ni de presse également indépendante. On a évoqué certains sujets et le dernier en date était sur la Grèce, mais nous sommes restés sur notre fin. On va parler de... en compagnie de Julien Tay, ce journaliste qui à la fois se dit indépendant mais qui ne croit pas à l'indépendance et qui me dit en même temps qu'il n'existe pas de journaliste ni de journaux indépendants, mais je dirais de presse indépendante. Alors on va parler de cette pour les 12 minutes, même pas les 12 minutes, les 10 minutes qui nous restent, on va évoquer ce qu'est une guerre humanitaire. Parce qu'on a souvent pensé, par exemple, que l'Irak était une guerre, la cause de l'Irak était une guerre du pétrole, c'est pas vrai. Hein, ou quelque part, c'est pas tout à fait ça. Et qu'en Libye, c'est également pas une guerre que pour le pétrole. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, en ce qui concerne l'Irak, je pense que c'était une guerre de prévention, en tout cas qui se présentait. Donc, c'est toute la doctrine de Preemptive Strike, c'est une doctrine états-unienne. Donc, une guerre de. En fait, donc c'est quelque chose de faire. C'est exactement ce qu'on a essayé de reproduire sur l'Iran, c'est de faire croire que Saddam Hussein avait à l'époque donc des armes de destruction massive, et puis on avait Monsieur Powell qui s'était rendu au Conseil de sécurité des Nations Unies avec ses fausses fioles d'anthrax, et maintenant on sait que tout ça était faux, donc il n'y a jamais eu d'armes de destruction massive de Saddam, comme il n'y a jamais eu non plus de bombardement de Kadhafi sur Tripoli, et comme à mon avis il n'y a peut-être pas, enfin je n'en sais rien puisque je ne suis pas en Iran actuellement, mais il n'y a peut-être pas de volonté pour l'Iran de faire une arme nucléaire, et même si c'était le cas, rien n'indiquerait pour autant que l'Iran, peuple pacifique depuis des siècles, s'en prendrait à nous. Donc déjà, premier point. Ensuite, les guerres humanitaires, c'est quelque chose de plus spécifique. C'est quand on dit qu'on va finalement intervenir dans un pays, militairement parlant, pour empêcher une répression contre des populations civiles. Donc, si on raisonne bien, selon leur postulat, dans un cas, par exemple, les États-Unis qui tuent des civils au Pakistan, ou Israël qui tue des civils en Palestine, c'est justifié parce que c'est la guerre. Mais excusez-moi, j'ai inversé. Je voulais dire, quand on va bombarder la Libye pour empêcher soi-disant Kadhafi de tuer des populations civiles, donc voilà la justification. Mais par contre, quand les États-Unis ou Israël tuent des gens, dans ce cas-là, on ne se pose pas la question des populations civiles. Donc, en même temps, pardonnez-moi d'être très très très pragmatique et même d'aller plus loin de ce que vous dites, on peut aussi rappeler que Kadhafi n'a pas été un exemple. Aussi bien Kadhafi, Moubarak, Ben Ali, le président du Yémen ou Assad, père, on parle plus du père que du fils, n'ont pas été des exemples de démocratie. Alors, c'est bien mais beau. Mais pourquoi le dire ? Pardon ? Oui, mais je comprends pas en fait l'intérêt de le dire. Parce que c'est toujours la même chose. C'est qu'on se sent obligé. On se dédouane pas. Ça veut dire que, regardez l'exemple. Moi, j'ai passé la soirée, journée à, en sachant d'abord, j'ai beaucoup regardé ce que vous avez écrit, ce que vous avez fait, et puis j'ai passé une partie de l'après-midi à écouter Suzanne Lindauer. Cet ex-agent de la CIA qui témoignait sur le 11 septembre, sur la guerre de l'Irak, et on savait déjà que en avril, en mai 2001, que l'Irak, la Libye, la Syrie faisaient partie d'un plan, et ça c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un ancien commandant des forces américaines qui avait dit que cette guerre était préventive. C'est pour ça que je rebondis ce que vous dites. Mis à part le 11 septembre, c'était une caution, le 11 septembre. C'était l'occasion qui fait le larron, comme on dit. Mais c'était prémédité et on savait pertinemment, moi je peux vous assurer et je peux vous garantir, peut-être que je me trompe, mais le Liban et la Syrie avec l'Iran, c'est quelque chose qui est déjà en route. Je dirais même avant les élections présidentielles de novembre, peut-être en été ou au printemps, l'Iran sera mis à rude épreuve. Hein. Faut pas se leurrer. Donc, je ne crois pas du tout à ça, mais je voulais signer. Pardon. Allez-y, je vous en prie. Moi, je pense que encore une fois, ce sont les mêmes médias qui essayent de nous faire croire que l'Occident, enfin en tout cas l'OTAN, serait assez fort pour attaquer l'Iran, ce qui à mon avis est une grande blague, puisqu'il y a même des stratèges américains qui ont dit que si jamais les États-Unis décidaient d'attaquer l'Iran, il y aurait des pertes immenses dans les premières heures et la plupart de leurs bateaux seraient coulés dans le golfe d'Ormuz. Oui, dans le détroit d'Ormuz, notamment parce qu'ils ont une flotte plutôt axée sur des océans, donc ils ont pas nécessairement une flotte adéquate pour naviguer dans cette région. Mais même sans parler de ça, nous voyons très bien que nous sommes dans une situation où les Chinois et les Russes interviendront. Donc, toute arrogance supplémentaire de l'Occident, de la France en particulier, puisqu'ils sont lancés en première ligne à chaque fois par Washington ou des Britanniques, pourrait exposer le monde entier à une troisième guerre mondiale, et une troisième guerre mondiale que nous, en tout cas nous, puisque nous définissons comme français ou occidentaux, nous perdrions. Donc je ne crois pas du tout à ça. Par contre, je pense qu'il y a un État qui s'appelle l'État d'Israël, qui lui a un intérêt très particulier à ce que cette guerre éclate, pour des raisons, en tout cas pour ce qu'il croit être du domaine de sa sécurité, alors que je ne pense pas que ce soit très judicieux de leur part, mais qui pousse effectivement de nombreux États, dont les États-Unis, à se radicaliser sur cette question-là. Alors que l'OTAN, je pense, avait une position différente, qui était de chercher à affaiblir l'Iran en s'en prenant à la Syrie, qui est son plus grand partenaire. Oui. Mais comme se dessine en toile de fond en ce moment, et d'ailleurs, peut-être, moi, je sais pas, je n'ai pas accès à ce genre d'informations, mais des accords entre l'Irak, l'Iran, la Turquie et la Syrie, il va y avoir certainement une nouvelle alliance régionale que l'OTAN, ni Israël ni l'OTAN, ne pourront défaire, puisqu'elle sera en plus protégée par la Russie, cette alliance, et par le deuxième acteur géopolitique immense de la région, qui est la Chine. Donc je ne crois pas une seule seconde à cette histoire d'attaque contre l'Iran avant le mois de mai. Après, nous sommes dirigés par des gens tellement fous que tout est possible. Mais je pense que tout stratège militaire lucide trouverait ça complètement fou. Et je crois que c'était il y a moins d'un mois, Barack Obama a adressé une lettre au gouvernement iranien dans lequel il disait que les États-Unis n'avaient aucune hostilité à l'égard du peuple d'Iran ni de l'Iran et essayent de rétablir une ligne de réelle politique plus douce, parce que c'est très dangereux de générer une troisième guerre mondiale quand on n'est pas armé pour la gagner, mais ça ne veut pas dire qu'effectivement la guerre va continuer sur d'autres aspects. Et d'ailleurs, la guerre a commencé en 2006 pour l'Iran, une guerre psychologique à travers les médias, une guerre également économique avec les sanctions, et une guerre culturelle, puisqu'il y a de nombreuses chaînes de télévision américaines qui sont diffusées volontairement et énormément d'ailleurs pour diffuser des séries américaines et pour forcer la population iranienne à admettre que le seul modèle de civilisation, puisqu'ils se définissent comme une civilisation, selon Huntington, que ce modèle de civilisation est le bon, le juste, et qu'il faut pour cela se soulever contre son dirigeant. Donc déjà, sur l'Iran, moi je ne crois pas à ça. Et... Mais oui, mais on pourrait dire, si vous permettez, pour clôturer cet échange, vous voyez, le temps passe vite, oui. C'est que la plupart des pays du Golfe... parce qu'on a toujours tendance à toujours mettre Israël, Israël, Israël, Israël. Mais quand vous avez l'Arabie Saoudite, vous avez le Qatar, vous avez les Émirats, vous avez la Jordanie, vous avez l'ensemble des pays, qu'on appelle les États du Golfe, sont à 100% pour qu'on mette à genoux l'Iran. Donc, alors, c'est très, très, très, très facile de parler des autres, mais vous avez d'autres pays musulmans qui veulent que l'Occident s'attaque à un autre pays musulman, parce qu'il y a un problème de leadership. Voilà. Il nous reste une minute. Alors, oui, pour finir là-dessus, je pense qu'effectivement, il y a la question... du leadership, mais on pourrait aussi parler du leadership turc dans la région. Après, au-delà des leaderships, je pense qu'il y a une réalité aussi, c'est que la Syrie, l'Iran sont des pays avec un peuple uni. L'Arabie Saoudite, le Qatar, c'est des pays virtuels. Je pense qu'il n'y a aucune unité populaire dans ces pays-là. Et je pense que si vraiment il pouvait y avoir ne serait-ce que le quart de moyens, même pas le dixième de moyens qui est mis pour déstabiliser la Syrie, donc le quart des moyens mis par l'OTAN pour déstabiliser la Syrie ou le Liban, etc., il suffirait de 1% de ça pour que l'Arabie Saoudite s'embrase. Donc je crois pas qu'on puisse mettre sur le même plan également des pays du Golfe qui sont que des proxys d'Israël et des États-Unis qui, eux, ont des objectifs très précis, comme la France avait des objectifs très précis en Afrique à une certaine période. Et on peut pas mettre sur le même plan ces acteurs-là. Il y en a qui sont des sous-fifres et il y en a qui sont aux commandes. Voilà, c'est merci, mon avis. Merci encore, Julien Tay, pour cette intervention. Merci pour votre franchise et je vous dis à bientôt sur IDFM Radio Anguin. Rappelez-vous que dans quelques instants,